La matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de 18h. Mon micro marche bien ce coup-ci, hein. On est au bon enregistrement. Rapide. Et autour de cette table, j'ai qui ? J'ai Jocelyn, ça va Jocelyn ? Ça va et toi Tristan ? Bah écoute, ça va très bien. Eh bah tant mieux. Et James, ça va ? Salut, moi ça va, oui. Et oui. Toi ? Ah bah toujours bien parce que quand Jocelyn m'a demandé, en fait j'allais bien. Et maintenant que tu me poses d'accord. La question, je vais toujours bien. Je peux juste demander à Jocelyn, comment tu vas Jocelyn ? Vas-y, demande-moi. Comment tu vas Jocelyn ? Ça va et toi ? Et voilà, comment flinguer un bon début de, d'émission. Vous allez nous parler de qui, de quoi les enfants aujourd'hui ? Moi je vais parler de Rambervillers aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, la belle bourgade des Vosges effectivement. Et James, un petit aperçu, voilà. Roland-Garros, Davos, Festival de Cannes, tout cela seront dans notre journal tout à l'heure. Ah attends, bah moi je peux continuer aussi, j'ai Raon l'étape, j'ai aussi également Badonvillers. Non mais voilà, on peut en parler. Sans plus attendre, le journal. Et on commence tout de suite avec les informations nationales et internationales. Roland-Garros, les organisateurs vont instaurer la pause Montfort au cours des matchs. Cette pause de 5 minutes par set permettra au journaliste de France Télévisions Nelson Montfort d'interviewer une personnalité du public sans être dérangé par le bruit des joueurs sur le court. L'intéressé a déclaré « Thank you my friend ». La nouvelle première ministre Elisabeth Borne, désolé d'estropier son prénom, promet de ne pas mentir aux Français. En effet, le cabinet de cette dernière a en conséquence cessé toute forme de communication avec l'extérieur. Tout simplement. Mercato des animateurs radio, Gallon, l'animateur a fini par accepter de signer un nouveau contrat avec Fadjet. Mais oui, cette saga prend fin, puisqu'après de longs mois de tergiversation, l'animateur a finalement décidé de ne pas céder aux sirènes de Radio Campus. Il a signé un nouveau contrat avec Fadjet. On parle d'un contrat record avec une prime à la signature de 14 stickers Fadjet. Quand même, 14. C'est considérable. Hein. L'animateur vedette s'est dit soulagé que ce feuilleton prenne fin de manière heureuse et lucrative. Comment Fadjet va pouvoir équilibrer ses comptes avec 14 stickers ? On rappelle bien 14 stickers à la signature pour Gallon. On dit qu'il en a déjà mis une sur sa voiture. Oh. T'en as eu un toi déjà Tristan, petit sticker ? J'en ai eu un, mais c'était il y a 5 ans. C'est dire, mais en même temps, Gallon est vraiment une valeur montante de Fadjet. Ouais. On passe tout de suite aux informations locales. Informations locales. Contre le manque d'eau, la Meuse a trouvé la solution. Et oui, les Meusiens ont le sourire. En effet, le préfet a décidé de descendre la TVA sur l'alcool, anciennement de 20%, à 5,5%, comme les produits de première nécessité. L'OMS, l'Organisation Meusienne de la Santé, a également fait l'apologie des bienfaits de l'alcool. Selon l'OMS, toujours, on parlerait d'un million d'hectolitres de gagnés pour l'été. Kylian Mbappé ne viendra finalement pas au FC Lunéville. Et oui, c'était encore en discussion ce lundi, mais la dépêche vient de tomber. Même avec des arguments financiers conséquents, le joueur phare du PSG a dû refuser le FC Lunéville. On parlait quand même d'un tracteur diesel flambant neuf, ainsi qu'une place VIP pour le spectacle Son et Lumière du château de Lunéville. Rien que ça, effectivement. Et on termine avec un biopic en cours de tournage à Badonvillers sur la vie de Raymond Cuny. Et oui, vous ne connaissez sans doute pas Raymond Cuny, mais tout c'était... Tout le monde connaît. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Raymond Cuny, sauf apparemment tout le monde le connaît, mais il a fait partie intégrante de la ville de Badonvillers. C'est en 1973, rappelez-vous, qu'à 22 ans, il inventa la faïencerie, tout bêtement. Ce qui a projeté Badonvillers, ville économique française, pendant 2 ans consécutifs. Ville française pendant 2 ans, Badonvillers, rien que ça, c'est déjà une information. On remercie Monsieur Cuny. Merci pour ce flash info. On se retrouve pour le prochain flash vers 18h30. Oui, par là. La météo. Pour la météo aujourd'hui, j'ai pensé à faire un petit jeu, messieurs. Vu du ciel, un petit peu rigolo, je vous demande de me donner des adjectifs inventés ou non pour décrire ce ciel. Il fera donc prostatique à Brémoncourt et un petit 12 degrés avec un ciel curry à Fréville. Et moi, j'ai choisi un ciel assaisonné sur le secteur nancéen. Quant aux températures, il fera entre 12 degrés et 14 degrés à Le Mainville-Mézières, 23 degrés à Mâcon et 12 à Melun. Merci pour cette météo. On te retrouve pour le prochain flash météo vers 18h30. Si le ciel est bon. Nous sommes un 26 mai, et qu'est-ce qui s'est passé un 26 mai? C'est James qui s'y colle, oui. Après Trio. On veut du green, green, green, green, green, green washing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du c'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. Et cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, green, green, green, green, greenwashing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, green, green, green, green, green washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, green washing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques, des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, green, green, green, green, washing. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. Trio Greenwashing. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Alors, on est le 26 mai 2022. Et les éphémérides, aujourd'hui, on fête les anniversaires de trois. On a du lourd, hein. On a un anniversaire, je vous préviens tout de suite. Ah oui, il va falloir préparer le dos parce qu'on a du lourd. On a du John Wayne. John Wayne. Ah ouais, John Wayne, il est né un 26 mai. Horst Tapper également. Horst Tapper. Horst Tapper, bah oui. Je pense que Jocelyn ne l'a pas. Horst Tapper. Bah, Horst Tapper, c'était le fameux indien. c'était un indien de l'Est. Oui, indien de l'Est, un peu. Avec un carpa et des lunettes. Ah ouais? Et qui était détective en RFA. Ah oui, en RFA, il y avait... Oui, je l'ai, bien sûr, Horst Tapper. Détective en RFA. Est-ce que tu connais beaucoup de détectives en RFA? Je connais aucun détective à part Columbo, moi. Donc, déjà, RFA, est-ce que tu sais ce que c'est que la RFA? Il y a la RDA et la RFA. Voilà. Ouais, t'as vu un peu? Mais il sait pas ce c'est quoi la RFA. République francophone allemande. Et République démocratique allemande. D'accord, ok. Et donc, non, inspecteur Derrick. Et non. Donc, ah mais si, mais... Et voilà, Horst Tapper, c'est le mec qui fait Derrick. C'est le mec qui fait Derrick. Oui, c'est l'acteur ou c'est le mec qui fait Derrick? C'est l'acteur. Et un que tu vas connaître forcément parce que tu lui ressembles un peu, c'est Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Et quel musicien, quel chanteur. C'est un chanteur qui est sorti avec Vanessa Paradis. Entre autres. Avec qui je suis également sorti. Ah oui, non pas Lenny Kravitz, mais c'est Vanessa Paradis. On a invité notre invité showbiz, c'est bon, on l'a. Ah, je doute qu'elle veuille venir ici. Non, non, parce que c'est quitter un mauvais terme. Ah, ok, d'accord. Ouais, très, très mauvais terme. Très, très mauvais terme. Bon, oui, ouais, ouais, ouais, une sombre histoire de brosse à dents oubliée. Alors, ensuite, en décès, on a Alphonse de Rothschild. J'en parle parce que c'est un de mes ancêtres. D'accord. Donc, je le salue. Voilà, papy, si tu nous regardes. Et également, sachez que le 26 mai, tout le monde est mort. Un 26 mai. J'ai pas compris là. Bah, c'est un homme qui s'appelle Antoine Tout-le-Monde. Ah c'est dingue ça. C'est un organiste belge. Un organiste, c'est quelqu'un qui fait de l'orgue, hein, pour nos auditeurs qui ne sont jamais allés dans une église ou quoi. Voilà, donc tout le monde est mort un 26 mai. C'est quand même assez drôle, non? C'est vrai que c'est drôle. On se marre là. C'est vrai que c'est marrant. Pour moi, un organiste avec organisé. Mais... Ça aurait été un 27 mai, bof. Voilà, mais c'est ça, c'est ça. C'est... Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un 26 mai, quoi. Effectivement. Qu'est-ce qu'on rigole sur Fatchett. Également, aujourd'hui, pour vous dire, le dicton du jour, attention, j'ai un petit effet préparé. Si aujourd'hui c'est ta fête, que tu es déter et que tu mets des coups de tête, alors tu es Walker Texas Bérangère. C'est quoi, c'est Booba? C'est quoi que tu mets là? C'est un effet complètement raté pour cette matinale de 18h. En plus, tu fais ça avec ton téléphone. Oui, écoute, on n'a pas les moyens de sortir le Walker Texas Ranger, qui était mon jeu de mots avec Walker Texas Bérangère, d'accord. Ça a complètement raté, ok, j'assume totalement. Donc c'est Bérangère qui est né un 26 mai. Non, c'est juste la Saint-Bérangère aujourd'hui. Ah, c'est la Saint-Bérangère, voilà. Aucune référence. Bérangère, c'est juste... Mais Walker Texas Bérangère. Ah oui, ça oui, bien sûr. Walker Texas Bérangère, je l'avais. Voilà. Donc c'était probablement ma dernière chronique sur Fadjet. Oui, t'es viré. Que j'annonce. Je prends l'entière responsabilité coup, de cette chronique. Elle est collector. En me retirant définitivement de la vie, de la vie radiophonique. Non, c'est... On va essayer de relever le niveau avec l'horoscope de Kylian Mbappé, puisque Kylian Mbappé, on le sait, a signé avec le PSG. Mais est-ce que vous aimeriez savoir, c'était quel est son... Quel était son horoscope quand il a pris sa décision? Moi, j'ai voulu dire qu'il avait appelé le président de la République en amont, mais peut-être que ça fait partie aussi des aléas de sa journée. Tout est écrit ou pas dans l'horoscope de Kylian Mbappé le jour où il a pris sa décision entre le Real et le PSG. Ah, ça, et Lunéville. Et ça, vous voulez savoir, parce que et c'est une exclusivité Fadjet, mais ça sera juste après Imagine Dragon Enemy. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest. On the wall as you're praying for my fall and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want it static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your Imagine Dragons and Me. Oh, la matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. L'horoscope de 18h sur Fadjet. On vous les a prévenus tout à l'heure que nous allions vous parler de l'horoscope de Kylian Mbappé le jour où il a pris la décision de rejoindre le PSG au détriment du Real Madrid. Et de FC Lunéville. Et du FC Lunéville, effectivement, on en a parlé dans le premier journal si vous étiez fidèle au poste à 18h. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kylian Mbappé est du signe de... Mais alors, tout juste, Sagittaire. Hein. Ouais, et ça se joue à quelques heures. C'est ça qui est vachement important. Il est né un 20 décembre 1998 pour les aficionados. C'est vrai qu'il n'a pas connu la première victoire en Coupe du Monde des Français. C'est vrai. Et voilà, il n'était pas de ce monde encore. Il était encore dans le ventre de maman. Exactement. Voilà. Ou dans une éprouvette, puisque c'est peut-être quelqu'un qui a été génétiquement créé. Hein, et c'est pas peut-être, je pense que c'est... Ah oui, c'est, peut-être, c'est non, mais là, on était à la première échographie quand même, l'été. Hein. De quoi ? Bah, il avait déjà 3 mois. Il était déjà conçu de 3 mois quand même. Ouais. L'été 98. L'été. Il est né en décembre. Ah oui, d'accord, ok. Donc on n'était plus dans l'éprouvette là, on est au niveau du fœtus. Non mais tu sais pas comment est-ce qu'on crée un enfant à partir d'une éprouvette, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas. Non, je sais pas. D'ailleurs, ce sera la prochaine thématique de ta pour histoire de te rattraper de ton éphéméride. Pas de problème. Par exemple. Alors, je vais vous lire l'horoscope des Sagittaires. C'est en mode gros bâtard, c'est moi qui suis inquisiteur. Non mais t'as bien raison. Tu as bien raison. Mais c'est mérité. Je mérite d'être puni. Voilà. Oui. Non, je mérite d'être aimé également. C'est même pas pour toi, c'est histoire de mettre juste la pression sur Joe. Voilà, tu vois, indiquant sur toi que c'est pas bien, je mets la pression sur Joe. Moi, c'est jamais bien. Pour que... Mais en même temps, oui, non, mais non, ça marche pas, c'est jamais bien. Bref, on était sur le Sagittaire. Oui, de Kiki, là. De Kiki. Le travail. Travail. Je vous lis l'horoscope de Kylian Mbappé le jour J. Pas de panique, il s'agit seulement de petites contrariétés, mais pas de problèmes majeurs. Ah oui. J'aimerais savoir comment vous analysez ça. Je rappelle à nos auditeurs que la profession de Kylian Mbappé est footballeur professionnel. C'est vrai que c'est intéressant. D'où son importance, parce que ça, tout de suite, on a une autre version de cette phrase qui est pas de panique, il s'agit seulement de petites contrariétés, mais pas de problèmes majeurs. Il me semble que c'était de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, qu'il y aurait eu, pourquoi pas, des protège-tibias trop petits. Mais que normalement il devrait arriver le stock à sa taille. Donc... Et c'est ça la contrariété. Pour moi, c'est ça. Après, peut-être que chacun voit midi à 14h. Après, mais moi, c'est quand même une histoire de décision entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Donc... C'était le stock de Paris Saint-Germain qui. Donc tu penses que ce problème de protège-tibia a failli le faire basculer du côté de Madrid ? Je dirais que les. Ouais. Après, il ne restait plus que Lunéville ou Paris. Je pense que très vite, Madrid a été écarté. Après, il me semble qu'à Lunéville, c'est des bouts de carton qu'ils mettent en protège-tibia, je crois. Ils vont les récupérer à grands frais et ils mettent des cartons. Pour ne pas me répéter, Lunéville proposait quand même un tracteur flambant neuf, ainsi qu'une place VIP, spectacle son et lumière. Donc à un moment, on est au-delà du... Oui, effectivement. Mais du coup, on est d'accord que son horoscope n'a pas beaucoup aidé dans sa décision. Là, je remets un peu en doute. C'est vrai, parce que pas de panique, il s'agit seulement de petites contrariétés. Sous-entendu, il savait déjà que bon, allez, c'est pas grave, je passe outre. Ça devait remonter. Personnellement, pire dans si je suis Kylian Mbappé, je lis mon horoscope du jour, j'ai envie qu'on me dise rester à Paris ou aller à Madrid. Ouais. Dire c'est clair et tout. Il n'y a pas besoin de faire des trucs cryptiques genre pas de panique, je sais pas trop, machin. Moi je trouve ça pas spécialement. En tout cas, une chose importante, c'est que sa santé était bonne puisque. Manque d'appétit. Ah oui, mais il fait 73 kilos le bonhomme aussi. Hein. C'est vrai. Mais ça lui a. S'il avait manque d'appétit, c'est quand même ça l'a travaillé. Ah bah boule au ventre et puis à mon avis, la boule était vide. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Donc, donc tout s'explique clairement ce jour-là, si on peut synthétiser. Kylian Mbappé a hésité, mais vraiment subrepticement, comme on dit en français. Subrepticement en français, sur une histoire de protège-tibia, qu'en fait il est quand même resté, mais ça lui a bousillé l'appétit du jour-là, quoi. Ce qui fait qu'il a laissé sa gamelle quasiment pleine. Car les joueurs du Paris Saint-Germain mangent dans des gamelles, hein, on le sait. Ils sont nourris avec des petits trucs, des Whiskas, des trucs comme ouais, ça. Ouais, c'est ça, voilà. Tout à fait. J'aurais entendu dire le chef dire il a pas bouffé sa gamelle, ce clébard. Donc bon, voilà. Encore une fois. Merci, merci pour cette analyse pointue et très précise du récapitulatif un peu de la journée. Il y a eu beaucoup de travail, on a fait beaucoup de travail en amont, Jocelyn, on a fait des recherches, etc. Bien sûr, Google est notre ami, ainsi que Yahoo. Je vous propose de passer à l'invité politique, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va bientôt arriver. C'est juste après Ziggy Marley, Love is my religion. Et vous allez voir, ça va être une sacrée surprise, cet invité politique. Yeah. Love is my religion. Love is my religion. Love is my religion. I'll take you to the temple tonight. All my days I've been searching to find out what this life is worth. Books and battles of time, I've made up my mind. I don't condemn, I don't convert. This is a calling, have you heard? Bring all the lovers to the fold, 'cause no one is gonna lose their soul. My religion. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Yeah. Et l'invité politique de 18h sur Fadjet. Et sur Fadjet toujours, aujourd'hui, j'accueille pour préparer les législatives Claude Babarn. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ouais. Vous êtes représentant législatif du groupe PALUS, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est ce groupe, quelle est cette coalition que vous avez menée? Ah, Palus, c'est un parti qui regroupe les micro-partis. Hein, bon, ça s'appelle le Parti pour l'administration libertaire, libérale, unie et sociale. Ouais. Uh-huh. Et donc, on est une petite micro-partie. Donc, vous avez le parti animaliste, vous avez parti. On a également le parti évangéliste, on a également. Le parti nudiste, je crois, aussi, hein, notamment nudiste, en région parisienne. Et, non, voilà. Et donc, on regroupe tous ces, ce qu'on appelle les micro-partis. Ouais, hein, d'accord. Et vous avez été élu par cette coalition, par ce parti, par ces partis, comment ça s'est passé un petit peu? C'est un parti qui, en fait, nous, on fonctionne au coup d'État. Hein, d'accord. Donc, moi, j'ai fait un coup d'État, j'ai renversé l'ancien dirigeant, on a fait un match de boxe et... D'accord. Voilà, donc en fait, on espère faire 0,05% aux législatives avec cette... C'est votre objectif, 0,05%. Voilà, c'est pour avoir les frais de la colle pour elle est remboursée. Pour rembourser la colle. Voilà. Et ça c'est, et vous avez comment vous avez réussi à maintenir cette coalition au moins jusqu'au 12 juin là pour les législatives, comment ça va se passer? Est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça discute? Tension, il y a le parti nudiste et le parti évangéliste. Bon, et c'est beaucoup de pas évident, mais Du coup, comment s'est sorti le compromis entre les nudistes qui prêchent la nudité totale et les évangélistes qui ne peuvent pas concevoir qu'on voit les attributs par exemple? En fait, tout simplement, dans ce cas-là, bon, il y en a qui ont dû juste s'effacer. Hein. Situation comme ça... S'effacer, c'est-à-dire avec une gomme? Non, les évangélistes, ils ont tout simplement, ils ont fermé les yeux, quoi. Ils sont voilés la face, quoi. Ah, ils sont atteints de cécité. Vous êtes en train de dire qu'ils deviennent aveugles? Non, ils sont voilés la face. D'accord, donc... Ils sont voilés? Ils acceptent d'être nus, mais les yeux fermés. Exactement. Okay. Nus mais voilés, voilà. D'accord. Nus mais voilés, c'est d'ailleurs le slogan du parti, nus mais voilés. Nus mais voilés, d'accord. Très bien. Donc, le 12 juin, le stress, comment on vit dans le parti, là? C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'émissions, les tournées radio. Moi, je suis sur Fadjet, là, je serai sur France Inter. Normalement, on m'a dit qu'on répondrait à mon mail demain. Donc, bientôt. Donc, on va vous entendre un petit peu sur toutes les ondes interrégionales. Oui. Quoi. D'accord. Oui. Et bah, Claude Babarne, ça fait très plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Et je pense qu'on peut vous souhaiter bon courage, bonne chance. C'est pour on va essayer. Hein. Et on se serre les doigts à travers les parties. Et puis voilà. Voilà. Serrons-nous les doigts, effectivement. C'est aussi la devise de votre multi-parti. Ouais. Le Palus. Merci beaucoup. Merci. Et le temps passe. Et c'est déjà l'heure du prochain Flash Info. Après Harry Styles. As it was. Holding me back, I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. As it was, as it was. Styles, As It Was. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Vous êtes bien sur la matinale de 18h, c'est l'heure du journal, il est approximativement 18h30, c'est le journal présenté par James et Jocelyn. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales. Carla Bruni fait scandale en se présentant au Festival de Cannes en burkini. Oh. L'ex-première femme de France invoque la simple erreur croyant qu'elle se rendait simplement à la piscine. Elle aurait déclaré « C'est quelqu'un qui m'a dit que... » C'était la mode. En rigolant, pourquoi elle rigolait à la fin? Parce que, en fait, ça ne rime pas. Que c'était la mode, serait-ce possible alors, ça ne rime pas. Très bien, merci. C'est vrai que c'est drôle. On enchaîne avec un point sur le tournoi de ping-pong du Forum économique de Davos. Oui, John Kerry a battu Christine Lagarde en 3-7 secs dans les 8e de finale. 11-2, 11-3, 11-4 en 3-7 donc. Dans l'autre 8e de finale, Volodymyr Zelensky a battu Klaus Schwab et a harangué la foule en disant à Vladimir Poutine « Viens me chercher, viens me chercher ». Je pense que les quarts de finale promettent d'être très très tendus. Hein. Vladimir Poutine, qui viens me chercher, viens me chercher. Viens me chercher. Et évidemment, Poutine est forfait pour ce tournoi de ping-pong de Davos. Oui, pour cause de cancer. Pour des raisons. Ce chercheur aurait trouvé la solution aux pandémies de Covid-19 et de variole du singe. Les deux en même temps, une idée très simple mais qui va révolutionner la médecine. Plus besoin de vaccins, ce chercheur a probablement endigué les deux grandes pandémies de ces dernières années. Son idée, elle est très simple, c'est simplement de donner la variole du singe au Covid-19 et de donner le Covid-19 à la variole du singe. Tout simplement. Un stratagème astucieux salué par toute la communauté internationale. On passe tout de suite et sans plus attendre aux informations locales. Avec Jocelyn, le quartier financier de Rambervillers profite de la crise en Ukraine. En effet, le Central Business District n'arrivait pas à vendre tout le blé récolté par la coopérative de Rambuvez, mais depuis la guerre en Ukraine, ses spaghettis tous les midis à la cantine afin de faire croître l'économie de Rambervillers. Les premiers effets se font sentir par l'ajout de papier toilette double épaisseur dans les toilettes publiques. La Fashion Week de Raon-l'Étape commence demain. Enfin, après l'annulation l'année dernière suite au Covid, c'est demain que vous pourrez retrouver les salopettes au chapeau de paille en passant par les bottes en caoutchouc des plus grands couturiers du Grand Est. Corinne Trémavache aurait fait le déplacement pour sa nouvelle collection de gants de trait. On parle bien de Corinne Trémavache. Hein. Corinne Trémavache elle-même. Très bien. Et enfin, Régis Marlier, le récent vainqueur de Flop Chef 55, vient d'ouvrir un relais routier à Azraï. Et oui, le chef Régis Marlier se positionne à Azraï pour attirer les routiers épicuriens et remplir son restaurant atypique, choucroute de morteau, pâté de foie à l'huître ou encore la suggestion du chef, le gratin de gras de porc, sont à la carte aujourd'hui. On peut rappeler le nom de l'établissement ? Qui est Flop Chef, venez y manger. Flop Chef, venez y manger. C'est le nom de l'établissement. Il s'est dit que ça attirerait tous les routiers. C'est une très bonne idée. Très bien, merci pour ce flash info. On passe tout de suite au flash météo. La météo. Aujourd'hui, il fera relativement beau sur le Grand Est avec une fourchette de température comprise entre 8 et 27 degrés sur la région. Il faudra prévoir une veste ou une casquette suivant là où vous êtes. Et la météo, c'est aussi ça. C'est la précision de journalistes pointus qui passent leur journée à vous donner des conseils. Mais moi, je viens dégoter à gauche, à droite, des petites informations qui vont permettre de passer une belle journée, une belle soirée. Et là, on sait qu'il fera entre 8 et 27. Donc là, on est fixé, quoi. On est vraiment fixé. Là, vous êtes aux petits oignons avec Fadjet Radio. C'est clair. C'est une exclusivité Fadjet. On se retrouve tout de suite pour l'émission phare, culte, de la matinale de 18h, à savoir les grosses fesses, juste après Jean-Jacques Goldman, la vie par procuration. Ça, c'est beau. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Elle vit sa vie par procuration. Vend son poste de télévision. solitaire, en point de repère, la maison si nette qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont cédé. La vie par procuration. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Et vous l'attendiez, c'est l'émission des grosses fesses. L'émission des grosses fesses avec autour de cette table toujours James et Jocelyn. Comment et allez-vous bien depuis tout à l'heure? Il y a une chaude ambiance autour de ce plateau et on commence tout de suite avec une citation. J'aimerais que vous me disiez qui s'adresse à qui en disant, c'est d'actualité, hein, quand on se verra, on en discutera. Quand on se verra, quand on en discutera. C'est donc deux personnes qui ne se voient pas. Ils se voient pas souvent, ça c'est vrai qu'ils ne se voient pas forcément. Est-ce souvent. Est-ce que c'est le soleil et la lune? Non. Non. C'est... Alors, on n'est que... pas sur des choses abstraites. Hein. Ah, d'accord. Très concrètes. Est-ce que c'est les politiques? Non, on n'est pas dans les politiques. On n'est pas dans la politique. Est-ce qu'on est dans le sport? Oui. Et oui. Et dans le sport. Et oui, tout à fait. Ah, est-ce que c'est un rapport avec KM, Kylian Mbappé? Et oui. Effectivement. Dont nous parlâmes tout à l'heure. C'est Kylian Mbappé qui a dit quand on se verra, on en parlera. Mais à qui s'adresse-t-il? Peut-être au président du Real de Madrid. Madrid. Ah, c'est marrant parce que tu dis ça, parce qu'on n'est pas loin, mais ce n'est pas le président. C'est le président de la République. Alors, ce n'est pas un président tout court. Est-ce mais on c'est... était quand même chaud avec le Real Madrid. À Karim Mbenzema. Karim Benzema, oui, oh bravo. Là. Ah, c'est un SMS qu'il a dû lui envoyer. Alors c'est pas un SMS, c'est tout ce qu'a pu poster sur Instagram. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir. Karim Benzema en mode, il était un peu vénère, quoi. Oui. Et voilà. Alors si je cite Kylian Mbappé, on n'a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian et Karim, mais en sélection, on ne parlait pas. On n'est parlé que du repas du soir. Je n'ai pas voulu forcer le truc. Oui. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix. Bah oui, parce qu'il y avait une belle cohabitation avec les deux cas. On les appelait d'ailleurs les caca, Kylian Karim. Mais là, non, bah tout le monde est déçu, tous les téléspectateurs sont déçus. J'aimerais juste aussi ajouter que Karim Benzema a exactement mon âge. On est né de la même année, on est de la même génération. Et voilà, j'imagine. Et alors, du coup, est-ce que tu comprends, toi? Je comprends. Après, je peux comprendre aussi que Karim Benzema, étant de ma génération et ayant accompli beaucoup moins que ce que moi j'ai accompli, c'est vrai, puisse se sentir un petit peu frustré par les événements de la vie, en particulier par le fait que un jeune homme comme ça ne le suive pas. Ouais, voilà. On passe tout de suite à la deuxième question. Et cette deuxième question, c'est un bruit. Oh, c'est dans le jeu. Alors, attends, si je mets pas... Je pense que c'est le... Voilà. Alors on l'a retiré. Tu mets à chaque fois. Ah non, c'est pas le même. Non, il est différent. Ah oui. Il est un peu long, hein. Il est un peu long. On est toujours dans du sport. Ah. Mais quel sport? Là, c'est le tennis. Pour moi, c'est le tennis. Ouais, c'est obligatoire. C'est fort, ça. Comment t'as su que c'était le tennis? Bah, tout ce qui va être cri un petit peu strident et horrifiant, pour moi, mais c'est alors, le tennis. Attention, parce que c'est important. Je me permets de te couper. Oui, c'est fait. Pour réécouter. Voilà, voilà. Ça sent la fin. Alors, c'est un ace? Non, c'est pas un ace. Alors, non. Alors là, on est vraiment entre plusieurs points. Voilà. C'est une compile de... Non, c'est ce qu'il a l'occasion de faire à très souvent. Dès qu'il touche le filet. Ah, je vois, c'est comment il s'appelle celui... C'est Djokovic? Ah non. Non, c'est Kyrgios, là, ou je sais pas quoi, celui qui pleure tout le temps sur le court. Non, alors je vais vous aider, on est plutôt sur du français. Ah, Oui, ok, je... Castex, là. Castex. Jean Castex. Jean Castex, non? Alors non, c'est pas Jean Castex. C'est le seul français que je connaisse. Donc. C'est vrai? Bah, pour moi, il y a qu'un seul français. Je connais qu'un seul français, c'est Jean Castex. Et ben, tu sais quoi? Ça lui fera plaisir parce qu'il vient de dire quand même qu'il a passé 2 ans comme Premier ministre à avoir la boule au ventre. Et ben, au moins, maintenant, là, il est libéré, mais au moins, ça lui fait plaisir. Tout le monde a des boules dans les ventres. On l'imagine tous comme ça, avec une petite larme à l'œil en train de nous écouter. J'ai l'impression de l'attendre, moi. Alors, tu m'appelles Jocelyn. Et donc du coup, c'est un Français qui n'est pas Jean Castex. Donc, non, j'imagine que Jocelyn ne peut plus participer. C'est tennisman cette... et qui a souvent l'occasion de faire. Oui, mais j'ai oublié son nom là. Il est beau gosse là. Il est beau gosse. Ah, s'il est beau gosse, c'est sûrement Jean Castex. Et il ressemble un peu à Jocelyn d'ailleurs. Ah oui. Ah oui, Jean-Louis Tsonga. Benoît. Boulevard. Benoît Paire. Benoît Paire, oui. Voilà, Benoît Paire qui a toujours l'occasion sur un terrain, puisque Jocelyn, tu ne le connais pas, manifestement. Et je ne suis jamais sur les terrains. Si je te montre sa tête, tu le connaîtras peut-être. Je vais te le dessiner rapidement. Regarde, je te le dessine sur ce paperboard. Ouais, vas-y. Voilà. Non? Ah, mais oui, mais voilà. C'est Benoît Paire. Voilà, tu vois. Et il fait toujours un sketch, un scandale quand il est sur scène. Il insulte tout le monde. Mmh. Et je me suis dit qu'un cri psycho, parce que le cri s'appelle cri psycho, de Laurent. Ça correspondait bien à cette personne qui est, ces temps-ci, sur les terrains de. Ce bruit me tend un petit peu. Je t'avoue que je suis tendu, là. Moi, je suis. Alors, on va se détendre. Alors, on va J'ai se la détendre. Boule au ventre. Puisque c'est la fin de cette émission et je te propose un bon moment de détente avec le Café des Trois Colombes. Café des Trois Colombes, c'est qui le chante? C'est tout simplement Joe Dassin. Joe Dassin. Et ça parle de Nancy. Hein. Et tout de suite après, et oui, faites bien attention parce que dès le début, ça parle de Nancy. Alors, on part en cette période, mais ça parle de Nancy et après, on se retrouve pour l'invité showbiz. Oh oui. Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au Café des Trois Colombes. sans un mot, sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit. On attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien. Joe Dassin, le café des Trois Colombes. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. C'est l'invité showbiz de 18h. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gustave Popoulos. Gustave Popoulos, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, pour présenter un petit peu votre pédigré aux auditeurs, vous êtes en fait plus connu sous le nom du gars qui crie popopopopopopolo à Roland Garros. Exactement. Voilà, c'est vous. Vous avez inventé ça, vous l'avez popularisé. Oui. Comment ça a commencé cette... Tout bonnement, ça a commencé. J'allais au stade avec ma mère. Ma mère m'a jamais quitté d'ailleurs. Non, à Roland Garros. Hein. À Roland Garros. On parle uniquement de Roland Garros. D'accord. Après, ça a été. Il y en a qui ont copié. Hein. J'ai eu des copycats, pas mal. Donc j'ai commencé à Roland Garros et je m'entraînais. J'avais quelques petites phrases. J'avais pop, pop, pop, pipipipip, pop, pop. Ah oui, d'accord. Ça marchait moins. Mmh. Et puis d'un coup, l'idée m'est venue de faire pop, pop, pop, pop, pop, pop. Et là, ma mère m'est pris d'une lueur d'espoir, une lueur de fierté. Je ne sais pas ce que c'était. Mais une lueur, c'était sûr. A fait. Olé! Et là, tout le monde. Tout le monde s'est retourné vers moi, c'est impressionnant. Ah oui, c'était... Oui, en analysant pourquoi le pili pop-up ne marchait pas. Alors en fait, en analysant, honnêtement, en tant qu'expert, je parle en tant qu'expert, j'avais le pili pop-up, le palaboubou-bip, et le papa-papa-pop-pip-pip-pip-papa-pop-pop-pop-pip-paf-palapap-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip finaux pas crédible, là, quoi, pas crédible. Bah non, pas crédible, je passais pour quelqu'un qui faisait bip bip bip bip bip. Non, bah non. Moi, c'est un vrai métier que je veux faire. D'accord. Et juste la création, ça remonte à quelle année à peu près vous avez commencé? Là, on était sur les débuts de ma vie. Hein. J'avais peut-être 5-6 ans, donc 60 et quelques, quoi. Hein, ouais, d'accord. 75. Par là. 75, d'accord. Et donc, qui a gagné Roland-Garros en 75? C'était Joe Wilfried Tsonga. D'accord, Tsonga l'a gagné en 75. Ouais. Bah, après, c'était un homonyme. Hein. Ils avaient... D'accord. Ils avaient d'accord. le même nom, même prénom, mais c'était pas la même personne. Ah, ok, d'accord, très bien. Et donc, du coup, vous avez commencé à lancer cette mode. C'est hein, ça. Qui est devenu dans les années 90-2000 quelque chose qui est très répandu. Je pense que c'est la mode la plus répandue à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez dû faire face à peut-être une adversité d'autres gens qui voulaient utiliser vos techniques? Bah, c'est exactement ce que je disais au début de l'interview. J'ai pas mal de copycat, des petits bleus qui se permettent de rajouter des deuxièmes manches. On fait pop pop pop pop, hop, on dit rien et on refait. Et après, cette fois, c'est allé. Bah non, ça je veux pas voir. D'accord. J'ai les vouvouzelas là qui sont arrivés dans les stades. Parce qu'au début, tout le monde le faisait, le pop pop pop. C'est mais le côté musique électronique. Le côté quoi, en fait. Flemmard, ouais. Mmh. Mais aussi, ouais, c'est plus simple de souffler que de lever les bras. Ouais, ouais. On parle de partis politiques, je crois, qui vous ont demandé vos services. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est tenu secret? En fait, non, je suis sous contrat, je suis sous clé, mais on peut en parler. C'est arrivé quand? C'est arrivé comment? Pourquoi on a besoin de vos services dans des partis politiques? Ça, c'est dans les meetings. Souvent, c'est pour l'arrivée. Par exemple, je sais que Mélenchon, sur son hologramme, m'avait demandé, à l'apparition de l'hologramme, de faire un petit pop, pop, pop, pop. Et alors, du coup, est-ce que c'est le même texte ou vous avez changé colorer politiquement par rapport aux intentions politiques de chaque parti? Majoritairement, on m'a souvent demandé de mettre un petit peu des couleurs à ce que je dis, donc souvent du bleu, un peu de blanc et de rouge, alors que d'habitude c'est que du blanc. Pop, c'est blanc. Mais un pop, ah oui, c'est très bleu, blanc, blanc, rouge. Ça, c'est très bleu, blanc, rouge, ça. Pour Mélenchon, puisqu'on en parle, vous pouvez nous dire ce que ça fait exactement? Comment ça fait exactement? Et là, tout le monde en délire. Je ne me contrôlais pas. C'est sorti de moi, malgré moi. C'est incroyable, ça. Ça, c'est vraiment un don. C'est à la fois un don et un handicap, mais oui. Et juste pour revenir à Roland-Garros, est-ce qu'il y a des... Bon, vous parliez des copycats, des gens qui essayent un peu de vous imiter. Mais on est d'accord que dans votre art, parce que c'est un art, vous êtes un artisan. Est-ce qu'il y a des timings à respecter? Est-ce que, par exemple, si je lance un petit pop-pop-pop-pop-pop-pop-polo au moment du... Au moment, par exemple, d'un service d'un joueur ou quoi? Voilà, est-ce que vous respectez des timings? Alors, au niveau de ce truc-là, ça, c'est une question intéressante. C'est très, très intéressant, parce que si vous, personnellement, vous lancez un pop-pop-pop-pop-pop au début d'un service, vous êtes rincé. C'est comme ça qu'on vous appelle, vous êtes quelqu'un de rincé. Ah, des rincés, c'est le terme technique. Le rincé, ça vient gâcher le moment, vous êtes un gâcheur, et Roland-Garros est naze à cause de vous. Donc, et c'est pour ça que Roland-Garros fait appel à moi des années en amont, j'ai des mails, j'ai des fax insupportables. Et oui, il y a un moment, c'est au niveau du... Là, quand ça gagne le set, quoi. Le gagne le set, c'est le pop. On peut pas conclure cette chronique sans un petit échantillon. Je vous demande un petit peu avec moi, alors. Merci, Gustave. Voilà. Tout de suite, c'est le jeu auditeur, juste après Sophie Alice Bextor. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. Le jeu auditeur qui vous permet, chers auditeurs de Fadjet, de gagner le Kaba Fadjet. Le Kaba Fadjet, c'est toujours Ben, la martingale hein, qu'on peut espérer gagner. C'est ça, oui, une martingale. Une martingale, oui, c'est bien ça. C'est soit la martingale, soit c'est pas Jean de Moulin. Voilà. Alors, chaque 15 jours, on rajoute un élément dans cette martingale et on va appeler... Il est tombé la dernière fois, hein, au passage. C'est vrai. Du coup, c'est Tantan qu'il a gagné. Ouais, ah oui, c'est vrai en plus. Il avait le sourire aux lèvres, celui-là. Il était heureux, hein. Ouais, je voulais juste retrouver le bruitage du téléphone, mais je ne l'ai plus. Donc, c'est pas grave. Fais-le à la bouche ? Non, on va le faire avec un cri de femme en guise de téléphone. Quoi, mmh, hein. Ouais. Allez, c'est parti. Classique. Allô ? Ah, oui. Je décroche, mais ma sonnerie marche toujours. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal. C'est normal. Vous êtes bien Jacques Gérard. Oui, Jacques Gérard, bonjour. Bonjour Jacques Gérard. Je change de voix également. Est-ce que vous savez qui vous appelle ? Est-ce que vous reconnaissez le son de ma voix ? Bah, je suppose que non, je ne sais pas. Ah, bah vous supposez mal. Alors, et cette voix mémorable que tout le monde connaît. Vous savez qui on est quand même. Ah, je reconnais évidemment James là, c'est la voix de James. Oui, c'est la voix de James. Et du coup, est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ? Probablement parce que vous avez personne pour votre invité politique. Non. Ah, et pourquoi donc ? Parce qu'en fait, je suis psychologue pour chiens. Et c'est du vrai. Coup, ça aurait pu être un thème intéressant. C'est vrai, mais voilà. Parlez-nous de votre travail en fait, si vous voulez, pendant 10 secondes. Voilà, okay. Si vous voulez, moi je reçois des chiens et via des thérapies cognitives, des thérapies comportementales, des thérapies brèves, et ben, en fait, je les amène à aller mieux sur la durée. Voilà. Et est-ce que c'est efficace ? Pas du tout, non, ça d'accord. Ne marche pas du tout, mais comme en fait les patients ne le voient pas, voilà. Très bien, très bien. C'est un beau business, hein. C'est un très très beau business. Je voilà pour vous donner un petit aperçu. Je roule en Dacia Sandero. Quand même, une belle voiture. Intérieur cuir. Non, c'est du plexiglas. Gourmand. Alors c'est pas du tout pour ça que je vous appelais, mais je retiens ce personnage là. C'est pour le cabas Fadjet. Est-ce que vous savez de quoi est composé le cabas Fadjet cette Alors semaine? Je ne sais pas du tout, mais je vais tenter au hasard. Écoutez, j'aime cette initiative. Voilà, je vais tenter au hasard. Je vais dire qu'il y a un décodeur Canal+. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est 100% de bonne réponse. Oui, c'est 1986. Vrai, ouais. Wow, ok. Effectivement. Je crois, parce qu'en fait, c'est très vintage. Je crois qu'il y a également un tourne-disque. Oh. Alors oui, mais de quelle marque ? Il faut une précision à ce niveau-là. Galopin. Galopin Electronics. Ouais, la marque Galopin Electronics, qui est aussi réputée pour des yaourts à la joie. Et les bières. Exactement. Mm-hmm. Et J'hésite. Je pense qu'il y a l'autographe de Bernard Diomède. De Bernard Bionan De Bernard Diomède. Ah, de Bernard Diomède, effectivement, qui était, puisque Jocelyn, tu le connais. C'était hein. Un diocèse, non, il me semble. Ouais, Bernard c'est ça, Diomède, Bernard Diomède, hein. Qui était footballeur au diocèse d'Auxerre. C'est ce qui me semble. Voilà, auprès de l'abbé Deschamps. L'abbé Deschamps. Et Saint-Guirou. Et Saint-Girou. Eh ben écoutez, bravo, on vous a gagné parce que mais c'est incroyable. C'est ça qui est phénoménal, c'est bravo. Mais justement, ça fait deux fois qu'on le fait, ce cabas Fadjet, et deux fois qu'il est remporté. Du coup, c'est voilà. Est-ce que je pourrais avoir un sticker Fadjet, s'il vous plaît? Alors oui, est-ce que vous voulez qu'on vous le dédicace? Oui, mais pas vous, l'équipe d'accord. De la voisinade, s'il vous plaît. La voisinade, voilà, effectivement. Il n'y a plus de stickers, on a tout donné à Galon pour le contrat. Et bien justement, ça tombe bien si c'est la voisinade. Ouais. La voisinade, c'est Galon qui la présente le jeudi, le premier et le troisième jeudi du mois. Du coup, je vous communique mon adresse. Oui. Alors, c'est au 27 rue des Tibias. Merci. 24000 Nancy. Maubeuge. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bon, ça va. En comptant d'avoir fait un nouvel auditeur heureux. Je raccroche. Fadjet, oui, raccrochez. S'il vous plaît, oui, faites-le. Et c'est la fin de cette émission. Oh, c'est malheureux. Il va falloir attendre 15 jours maintenant pour nous avoir. Mais heureusement que c'est férié aujourd'hui. On peut nous retrouver sur podcast, hein, toutes les émissions de la matinale. Mais réécouter. Mais oui, streamer en masse. Très franchement, au début, la première écoute, elle est pas top, mais plus t'écoutes et mieux c'est. Voilà. Faut boire en même temps qu'écouter. Moi je conseille. Plus que les oreilles s'habituent. Ouais, entre 8 et 9 écoutes par émission et après ça passe bien. Ouais. Sinon, vous avez aussi à la même heure un jeudi sur deux avec nous en alternance La Voisinade, présentée par Galon et puis toute son équipe, hein, que ce soit Camille, que ce soit Mélie, et peut-être que j'oublie quelqu'un, quoi. Voilà, on vous dit au revoir à tout le monde, des bisous, et puis à nous, dans 15 jours, on sera le combien, d'ailleurs? Le 26 et 14, on sera le 40 mai. Ah oui. 40 mai, bien, et ben écoutez, à bientôt au 40 mai. Des bisous, tout le monde. Bisous, ciao, ciao. Gros bisous. Salut. Cordialement. Bien à vous.